Matthieu chapitre 16. Alors des pharisiens et des sadducéens vinrent à lui, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent qu'il leur fît voir quelque miracle du ciel. Mais il répondit, et leur dit, « Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin vous dites, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge, et sombre. Hypocrite, vous savez bien juger de l'apparence du ciel, et vous ne pouvez juger des signes des saisons. La nation méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera point donné d'autre miracle, que celui de Jonas le prophète. » Et les laissant, il s'en alla. Et quand ses disciples furent venus au rivage de Dela, ils avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, « Voyez, et donnez-vous garde du levain des pharisiens et des sadducéens. » Or ils pensaient en eux-mêmes, et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Et Jésus connaissant leurs pensées, leur dit, « Gens de petite foi, qu'est-ce que vous pensez en vous-mêmes au sujet de ce que vous n'avez point pris de pain? Ne comprenez-vous point encore, et ne vous souvient-il plus des 5 pains des 5 000 hommes, et combien de corbeilles vous en recueillîtes? Ni des 7 pains des 4 000 hommes, et combien de corbeilles vous en recueillîtes? Comment ne comprenez-vous point que ce n'est pas touchant le pain que je vous ai dit, de vous donner garde du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, qu'il leur avait dit de se donner garde, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Et Jésus venant au quartier de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples, en disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Et ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit, et dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et je te dis aussi, que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre, sera délié dans les cieux. » Alors il commanda expressément à ses disciples de ne dire à personne qu'il fut Jésus le Christ. Dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, et qu'il y souffrit beaucoup de la part des anciens, et des principaux sacrificateurs, et des scribes, et qu'il y fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Mais Pierre l'ayant tiré à part, se mit à le reprendre, en lui disant, « Seigneur, aie pitié de toi, cela ne t'arrivera point. » Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre, « Retire-toi de moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il charge sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver son âme, la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi, la trouvera. Mais que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il fait la perte de son âme? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir environné de la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous dis, qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne mourront point, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir en son règne.